Vous écoutez France Culture. Le Salon Noir. En archéologie, l'Égypte est incontournable, au point de n'être plus de l'archéologie, mais de l'égyptologie. Il faut dire que les découvertes s'enchaînent à une cadence infernale, et cela malgré un printemps arabe, le pillage du musée du Caire, la chute de Moubarak, puis de celle de Morsi. Pour preuve, l'annonce de la mise au jour de la statuaire de haut dignitaire datant de Ramsès II a fait cette semaine, une fois encore, la une de nos journaux télévisés. Aujourd'hui, revenons sur une autre belle découverte avec Christiane Ziegler. Bonjour. Bonjour. Conservateur général, directeur honoraire du département des antiquités égyptiennes du musée du Louvre, vous avez dirigé la mission archéologique de ce musée à Saqqara. De l'or, des sarcophages, des momies et autres puits funéraires, il y en aura aujourd'hui dans le Salon Noir, puisque vous publiez cette mission chez Peters et Louvre Éditions au travers de deux énormes volumes in quarto, de la taille et du poids d'une brique d'adobe, d'un parpaing de terre crue. Mais revenons sur l'actualité brûlante, cette trouvaille dans la région de Thèbes, à quelques kilomètres de Louxor. Qu'en pensez-vous, Christiane Ziegler ? Ben, je suis très très heureuse que l'on trouve encore aujourd'hui en Égypte des témoignages tout à fait inédits. Alors là, il s'agit en fait du nettoyage. En fait, c'était, si je comprends bien, le dégagement en cours d'un temple que je connais bien. Je connais également Christophe Thiers, que j'estime énormément. Le fouilleur. Et comme très souvent dans une mission archéologique, eh bien, il y a la surprise. C'est ce qui fait un des plaisirs, d'ailleurs, du métier. Et il faut qu'on arrête de dire qu'en Égypte, il n'y a qu'à se baisser pour trouver des statues ou des trésors. Je commence à en avoir assez, c'est ce qu'on m'a dit à Saqqara, on pourrait dire la même chose à Thèbes. Eh bien, ce n'est plus vrai, on n'est plus au début du 19e siècle, on ne creuse plus pour trouver des trésors, on fouille en s'inscrivant dans un programme de recherche. Il y a une problématique, mais heureusement, la chance peut aussi faire tourner tout à fait et infléchir le travail des archéologues. La baraka, mais c'est important, mais il n'y a pas que ça également. Qu'est-ce qu'il faut justement pour trouver ? Il faut d'abord avoir une problématique. Il faut une équipe, une très bonne équipe. Des bonnes méthodes. Oui, une bonne méthode, mais bon, les méthodes actuelles sont bien différentes de celles du passé. Il faut effectivement un peu de chance et beaucoup de patience. Ce sont des œuvres, des monuments qui nous ont attendus depuis des millénaires. Il faut beaucoup de persévérance et de patience. Et de la culture. Évidemment. Savoir les hiéroglyphes et le démotique. Oui, pour certains, mais dans une équipe, on a à la fois besoin effectivement d'un égyptologue épigraphiste qui connaît les textes, et certaines écritures sont très très difficiles, mais on a besoin de photographes, on a besoin de dessinateurs, on a besoin d'architectes, on a besoin de documentalistes, on a besoin également de beaucoup de spécialistes actuels qui sont capables, évidemment de restaurateurs, j'ai oublié, mais de spécialistes actuels qui sont capables d'identifier des bois, des pigments, voir si nous trouvons des corps, des anthropologues, des médecins et des radiologues. Christiane Ziegler, vous revenez d'Égypte ? Oui, je reviens d'Égypte où j'ai assisté à la pose de la première pierre du musée du canal de Suez à Ismaïlia, en compagnie de deux ministres égyptiens, des autorités du canal, du président des Amis du canal de Suez. Et pour moi, la naissance d'un nouveau musée, c'est toujours un événement très, très émouvant. Et c'est de l'archéologie pour finir, même si c'est tardif. C'est de l'archéologie, puisque, comme vous savez, ce canal de Suez a été rêvé dès le temps des pharaons, on dit même depuis Sésostris. Et puis, nous allons jusqu'à l'histoire contemporaine avec ces énormes portes-containers que l'on voit traverser pratiquement le désert quand on est à Ismaïlia. En tout cas, est-ce que l'égyptologie, c'est encore de l'archéologie pour vous ? Oui et non ? Oui et non. L'égyptologie a plusieurs facettes. J'ai passé ma carrière s'est déroulée au musée du Louvre où j'ai donc après avoir suivi un cursus égyptologique, thèse, etc. Je me suis appliquée à conserver les collections qui m'avaient été confiées, à les faire connaître, à les publier, à organiser des expositions. Mais en même temps, effectivement, le travail sur le terrain s'avère très, très complémentaire du travail. C'est un va-et-vient constant entre ces objets de musée dont les origines sont parfois inconnues et le travail sur le terrain où, au contraire, les objets sortent sous vos yeux. Justement, c'est dans les profondeurs de chambres souterraines que vous allez nous entraîner cet après-midi, Christiane Ziegler, avec tout d'abord une découverte déjà publiée, un mastaba. Alors, un mastaba, c'est une tombe. C'est une tombe privée de l'époque des pyramides. Le mot mastaba, il a été inventé par un grand égyptologue français, Auguste Mariette, hein, qui est parti dans les années 1850 pour découvrir le Sérapéum de Memphis. Et ce sont des constructions à la silhouette trapézoïdale, des constructions de pierre ou de briques crues, qui sont la superstructure d'un tombeau souterrain auquel on accède par un puits. Et dans le début du XXe siècle, dans les années 1900, ces mastabas, dont les chapelles sont décorées de magnifiques bas-reliefs qui évoquent la vie quotidienne au temps des pyramides, on est au temps des pyramides, les mastabas apparaissent à cette époque-là, et bien dans les années 1900, les Bédouins, pillaient ces chapelles et découpaient les bas-reliefs qui partaient en Europe et aux États-Unis. Donc, il a été décidé de permettre à certains grands musées d'acquérir des chapelles funéraires afin de les sauver. C'est comme ça que les plus grands musées de Boston, de New York, de Berlin et du Louvre conservent ces chapelles. Alors, nous avons un vrai joyau, une magnifique chapelle. Elle est petite, mais qui appartient à un nommé Arethotep, qui est exposé au Louvre et dont on m'avait confié la publication. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé, puisqu'on ne savait presque rien sur cette chapelle. On savait qu'elle était arrivée en 1903, qu'elle avait été achetée comme on achèterait une statue. Nous avions les archives des comités d'acquisition, etc. Et ce qu'on savait, c'est qu'elle venait de Saqqara, mais on avait perdu toute trace de son emplacement exact. Alors, ce qui est étonnant, c'est que en archéologie, je dis découverte, mais il faudrait dire redécouverte, car en archéologie, ce que l'on découvre, on peut le perdre aussi, puisque Mariette l'avait visiblement trouvé et qu'ensuite tout ça avait été perdu. Oui, effectivement, on perd et on perd aussi beaucoup d'archives, et c'est pourquoi il faut publier très vite, parce que bon, la mémoire se perd, les gens disparaissent, etc. Donc, on avait perdu toutes les archives de fouilles. On sait que c'était un nommé Max Herzbe qui avait été chargé du transport, du découpage des blocs décorés. On savait que le monument lui-même était resté en place. On savait aussi que Georges Bénédite, qui était conservateur au Louvre dans les années 1900, avait fait procéder à des fouilles pour trouver un mastaba qui lui convienne. Et c'est le quatrième mastaba qui lui avait plu. Donc certains sont restés sur place. Il n'était pas assez significatif, assez représentatif pour le public du Louvre. Alors, bon, j'ai fait d'abord une recherche dans les publications et je suis revenue vous parler de Mariette, effectivement, qui avait publié, mais c'est une publication posthume, Les Mastabas de Saqqara, dans lequel il parlait d'un joli mastaba, mais tout petit, à qui il avait donné le nom de E17, mais qui n'était pas celui du Louvre. Et puis, une publication du début, dans les années 1950, par deux Anglaises, Miss Murray, qui avait procédé en un mois au survet d'une partie de Saqqara où elles avaient retrouvé le mastaba de Mariette. Et à côté, contigu à ce mastaba, il y avait un autre monument pour lequel elles ont écrit, il s'agit probablement du mastaba qui a été ensuite transporté au Louvre. Et elles ajoutaient, nous sommes à environ 150 mètres à l'est, au sud-est de l'enceinte de la pyramide de Djéser. C'est tout ce qu'on savait. Alors, revenons à ce qui nous intéresse aujourd'hui. Vous avez aussi exploré juste à côté les tombes F7, F17, H, J, Q, N, et le tout donc entre 2003 et 2007. Quand on dirige une mission archéologique, comment choisit-on un terrain ? N'est-ce pas une sorte de pari, une sorte de coup de poker sur le passé ? En ce qui me concerne, je n'ai pas choisi le terrain, c'est le terrain qui m'a choisi, puisque c'était Saqqara, c'était à 150 mètres à peu près au sud-est de la pyramide de Djéser. Donc effectivement, c'est un pari, mais pour moi, ce n'était pas le début de fouille. Au contraire, ça a été une très, très grande surprise d'être entraînée dans ces fouilles. Il s'agissait simplement d'une première mission d'exploration, de nettoyage de la surface, et nous espérions retrouver l'empreinte au sol, les arasements de ce mastaba dans lequel était venu s'encastrer, s'enchasser la chapelle décorée. Nous n'avions pas d'informations plus précises, mais nous pensions que ce mastaba était détruit, que les fouilleurs avaient laissé quelques ruines en surface, et voilà. Et en fait, l'aventure a commencé d'une façon très différente, parce que les premières années, nous n'avons pas du tout retrouvé ce mastaba, mais nous savions que nous n'étions pas loin, car nous avons retrouvé, dès la première mission, un petit fragment qui portait une inscription. C'était une partie d'un des titres très rares que portait le propriétaire du mastaba du Louvre, un nommé Aretetep. Qui est-il d'ailleurs ? On sait ce qu'il était ? C'était quoi, un grand dignitaire ? C'était un grand dignitaire, c'était un courtisan qui était spécialisé dans la médecine et la magie, donc qui était lié à cette époque, et qui avait reçu en cadeau du roi, au moment de son enterrement, des bijoux. Et il y a une inscription autobiographique sur l'entrée à droite dans la chapelle du Louvre qui nous relate tout cela. Ses fils également étaient dans le domaine de la magie et médicale, et il semble que l'un de ses fils, Serenrupta, ait épousé la fille d'un roi de la 5e dynastie. Nous avions à peu près la date, nous savions qu'il s'agissait d'un dignitaire et qu'il avait été enterré à Saqqara. Donc, comme d'habitude, parce que l'on balaye en archéologie, c'est une curiosité, on nettoie beaucoup, vous nettoyez, vous décapez, et puis, d'un seul coup, vous mettez au jour ce qui pourrait être l'entrée de puits, c'est bien ça ? Exactement. Alors, nous avons retrouvé le petit mastaba U17, et puis ensuite ce mastaba d'Aretatep. Et pour retrouver les tombes, les caveaux annexes, nous avons commencé à explorer les puits. Et là, nous nous sommes rendus compte que ces puits du temps des pyramides avaient été réutilisés durant le premier millénaire avant Jésus-Christ. Ce sont ces tombes donc, qui sont l'objet de la publication présente. Alors, dans le puits, par exemple, de la tombe F7, il y avait déjà quasi dès le départ des squelettes, ou du moins des os séparés. C'est visiblement la preuve de nombreux remaniements et que tout ça a beaucoup bougé. C'est pas très bon signe pour un archéologue. Non, c'est pas très bon signe, mais en même temps, nous savons qu'à Saqqara, comme dans la région thébaine, ce sont des nécropoles qui ont été en activité du 4e millénaire, en tout cas à Saqqara, jusqu'à l'époque arabe, et qu'il y avait des problèmes de place, d'encombrement. Donc, il y avait régulièrement des regroupements de sépultures, et c'est un signe de cette densité de cette nécropole de Saqqara, qui est sûrement le plus grand cimetière qui ait connu l'humanité. C'est 50 kilomètres qui vont d'Abu Roach jusqu'à Saqqara. Alors on n'a pas été déçus, parce que l'archéologue trouve toujours... Le puits, ce qui m'a beaucoup ému dès le départ, hein, parce qu'on est encore à l'entrée du puits, on n'est pas encore dans les chambres sépulcrales tout au fond. Ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que vous trouviez déjà deux gerbes de roseaux dans ce puits de la tombe F7. C'est probablement pas une grande découverte, c'est une découverte qui montre que tout ça est bien conservé. C'est une découverte quand même aussi assez émouvante. Oui, c'est très émouvant, parce qu'on pense forcément aux gens qui les ont déposés. En même temps, nous en avons retrouvé d'autres. nous sommes rendus compte que c'était un moyen de transporter les corps, en fait, dans des roseaux. Et puis, en même temps, pour la datation, c'est très intéressant, parce que quand on peut exporter un échantillon de roseaux, eh bien, on peut faire une datation au carbone 14, ce qui s'est fait dans une autre tombe. Et en même temps, nous avons trouvé donc, un peu du tout venant, finalement, dans ces puits, avant d'arriver aux corps eux-mêmes, et notamment des documents inscrits. Alors justement, toujours dans le puits, des bouts de papyrus en démotique, d'autres en araméen, des textes donc à peu près datables du 5e siècle avant notre ère et qui avaient été mis au rebut, jetés. Oui, mais c'est souvent dans les dépotoirs qu'on trouve... Qu'on fait les plus belles découvertes. Les plus belles pépites. Le démotique, c'est l'écriture, je dirais, courante de la basse époque, de cette période, donc la deuxième moitié du premier millénaire avant Jésus-Christ. Du chypro-grec, c'est ça ? Alors, chypro-grec, ça prouve qu'il y avait des contacts et qu'il y avait même des commerçants ou peut-être même des mercenaires qui venaient de la Méditerranée, qui étaient installés aller en Égypte à cette époque-là. L'araméen, eh bien, nous sommes en plein aussi à l'époque où il y a une domination perse. Donc tout ceci nous remet dans le contexte, je dirais, multiculturel de Saqqara, qui en fait est la nécropole de la capitale, Memphis, qui accueillait un grand nombre de communautés étrangères. Et ça, c'est déjà une découverte importante, de trouver des textes démotiques, c'est assez fréquent, de trouver des textes araméens, cela montre déjà que l'on est sur des choses intéressantes, oui, importantes. Oui, c'est intéressant. Parce pour que la papyrologie. Oui, absolument, ça nous donne aussi des noms propres, ça nous donne également... des critères de datation et en même temps ça nous met dans un contexte je dirais culturel on baigne dans cette communauté internationale. C'était une des grandes capitales du monde antique à l'époque. Pour les auditeurs du Salon Noir de France Culture, je rappelle, Christian Ziegler, que vous êtes conservateur général, directeur honoraire du département des antiquités égyptiennes du musée du Louvre et que vous avez dirigé la mission archéologique du musée du Louvre à Saqqara. On s'enfonce petit à petit dans ces puits et dans les chambres souterraines, les caveaux, des corps plus ou moins déchiquetés, un grand désordre semblait y régner. Peut-on en retracer l'histoire ? Alors, il est difficile d'en retracer toutes les péripéties, mais il est évident qu'il y a eu des regroupements de corps. Nous en avons la preuve déjà par le grand nombre. On a retrouvé jusqu'à 60 momies dans une même tombe. On a même, grâce aux documents inscrits, pu établir quelques généalogies, parfois sur 3 ou 4 générations. Donc, il y a eu des regroupements familiaux. Il y a eu probablement aussi des regroupements, je dirais, professionnels, comme ça se passe également dans la région thébaine. Que les corps étaient transportés, c'est évident. Et les examens radiologiques aussi ont trouvé des fractures post-mortem qui montrent que ces corps ont été traités avec une certaine rudesse. Alors ensuite, il y a eu des pillages. C'est très évident, des pillages dès l'Antiquité. Il y a aussi des galeries qui ont été creusées pour accéder plus facilement à ces corps. Et certaines momies ont été retrouvées odieusement dépecées. En tout cas, dans une niche, plusieurs momies et un très beau cercueil momiforme en bois, c'est bien ça ? Oui, c'est le sarcophage d'un nommé Imhotep. Et Imhotep, ça n'est pas par hasard. Imhotep, c'est l'architecte du roi Djéser. Ah ben c'est le plus grand architecte d'Égypte antique. Et oui, il ne faut pas oublier que nous sommes à Saqqara, nous sommes au pied de la pyramide à degrés du roi Djéser, qui est la première pyramide d'Égypte. Et tout au long de la civilisation pharaonique, Imhotep a été honoré comme un demi-dieu. Et à la basse époque, eh bien, il y avait des sanctuaires où les gens, les pèlerins affluaient et même venaient se faire guérir. Il était non seulement patron des architectes, des scribes, mais aussi un dieu guérisseur. Et son nom s'est perpétué à travers les millénaires. En tout cas, sur le couvercle, 2 inscriptions donnaient le nom d'un pharaon dont je ne soupçonnais absolument pas l'existence. Nectanebo II, c'est bien ça ? Nectanebo II ? Nectanebo II, je pense que beaucoup de nos auditeurs n'ont jamais entendu ce nom. Mais bon, c'est en tout cas, un jamais. Roi ça, très c'est sûr. Important de la 30e dynastie. Ce qui est important aussi, c'est cette inscription puisqu'il date très très précisément le moment de l'enterrement, donc l'an 2 du roi Nectanébo II, le premier mois de l'inondation, ça nous donne le 20 novembre au 21 décembre 360 avant Jésus-Christ. C'est extrêmement rare d'avoir une date aussi précise, et ça date non seulement le contexte, mais aussi pour l'étude future des sarcophages de basse époque, nous avons là un point fixe, une référence qui sera incontournable. C'est-à-dire, Christiane Ziegler, celles que je vois régulièrement avec ma fille au Louvre ne sont en général pas datées, ne portent pas d'inscription ? Ils portent des inscriptions avec les noms de leurs propriétaires, avec leurs titres, mais il n'y a jamais de date, sauf quand il s'agit du sarcophage d'un roi. Alors Nectanébo II est quand même important, c'est visiblement le dernier pharaon de la 30e dynastie, et il vit des heures assez troubles avec l'arrivée des Perses, et notamment Ataxerxès III, c'est bien ça ? C'est donc un moment charnière pour l'histoire de l'Égypte. C'est un moment charnière et nous avons beaucoup d'indices qui nous laissent penser qu'une partie de nos tombes hypogées date de l'époque perse. On a même trouvé, c'est très irritant, une empreinte de sceau sur les murs d'un caveau que certains identifient avec le nom d'un roi perse. Mais je n'en dirai pas plus puisque ça n'est pas dans la publication. En tout cas, dans ces tombes souterraines, qu'est-ce que les pilleurs cherchaient ? Qu'auraient-ils pu réellement emporter ? Alors, ce que les pilleurs cherchent à toute époque, c'est l'or, ce sont les bijoux, ce sont les métaux précieux. Et ça fait toujours rêver aujourd'hui. Hein, quand on parle d'Égypte, on pense au trésor de Toutankhamon. On pense au film La Momie avec ces bandes de voleurs qui descendent dans les tombes de la Vallée des Rois pour dérober des colliers. Donc, effectivement, ils cherchent essentiellement de l'or et puis des bijoux, des vases. La pierre, beaucoup moins. Oui, ce sont tout l'équipement des momies en matière précieuse. En tout cas, vous avez une idée de la date de ces pillages ? Peut-être très tôt, ah oui. Peut-on penser ? Oh oui, certains ont lieu à l'époque, à la fin de l'époque pharaonique, certainement, oui. Toujours est-il que dans le caveau A, deux cercueils, toujours momiformes, mais de très grande qualité pour une conservatrice de musée que vous êtes ? Deux très beaux cercueils. Oui, bien sûr. Moi, je suis très sensible aussi au mobilier, à l'aspect esthétique, aux objets. Au visage doré. Alors, ça, c'est un autre... nous avons deux sarcophages. Enfin, un sarcophage à visage doré et un autre avec un masque en stuc doré. Alors, dans ces deux sarcophages de la Galerie A, il y en a un qui est de taille d'adulte. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y avait à l'intérieur le corps d'une petite fille. Donc, soit une réutilisation d'un sarcophage, soit... on ne sait pas trop. Et nous avons trouvé un autre sarcophage d'enfant dans un autre puits qui, lui, était merveilleusement décoré, mais de la taille d'un enfant, un modèle réduit. Vous avez aussi réalisé, bien sûr, des radios, des scanners autour des momies. Que découvre-t-on, bien sûr, à la radio ? Quelques objets, mais aussi quelques pathologies ? Oui, en fait, il n'y a pas tellement de pathologies graves. On a trouvé donc des traces de bilharziose, par exemple, mais la plupart de ces momies montrent que les gens étaient en bonne santé, qu'ils avaient une alimentation correcte. Et certains atteignaient jusqu'à l'âge de 50 ans, ce qui est vraiment un âge très avancé pour l'époque pharaonique. On comprend aussi à la radio, par exemple, comment ces momies étaient embaumées ? Oui, on comprend effectivement plus précisément. Nous connaissons évidemment les techniques de l'embaumement depuis longtemps, depuis d'ailleurs Hérodote qui donnait des indications assez précises. Oui, on retire le cerveau par les cloisons nasales, c'est bien ça ? Voilà. C'est quelque chose d'assez choc. Oui, mais en fait, la radio, qui est une méthode non destructive, et ça j'ai tenu beaucoup à ne pas débandeléter ces momies comme on le faisait au 19e siècle au cours de séances où le tout Paris assistait, eh bien on peut voir justement s'il y a eu éviscération, s'il y a eu dans la boîte crânienne des produits, des aromates qui ont été introduits, voilà, s'il y a une sur la blessure abdominale une plaque en or en forme de yuja, c'est tout ça qu'on peut voir, et puis évidemment les amulettes qui sont glissées dans les bandelettes. Alors est-ce qu'il s'agit de belles momies, de momies de qualité ? bien embaumées. Certaines sont de bonne qualité. Ça va en général avec un sarcophage aussi assez prestigieux. Et puis nous avons aussi cette belle momie qu'on a retrouvée en 2007. D'ailleurs, on n'a pas terminé la fouille de la tombe. Cette belle momie qui, elle, est revêtue de cartonnage avec un masque doré et un suaire avec des plaquages dorés, des rosettes dorées et qui a effectivement un très, très beau bandelettage. Alors justement, dans la tombe H, vous avez retrouvé le cercueil de Païef Tchaou. C'est bien sûr très difficile à dire. Son couvercle était recouvert de décors extrêmement complexes. Qu'est-ce que nous racontent ces décors ? Alors, nous avons en fait deux cercueils, deux Païef Tchaou et Raoui Ransou. C'est un nom un petit peu compliqué, mais quand on connaît la signification, on arrive à le retenir plus facilement. Ce sont des sarcophages de bois stuqué avec un décor peint d'une fraîcheur extraordinaire. Alors, ce qu'on voit, en fait, c'est l'évocation du devenir de ce défunt. Il y a notamment la pesée de l'âme qui est représentée avec la balance sur laquelle le cœur du défunt est posé. De l'autre côté, la plume de la déesse de l'équilibre, de la justice Maat. Donc, le défunt va passer devant le tribunal qui va juger s'il a mal agi pendant sa vie terrestre. Et si le cœur est trop lourd, la balance va s'incliner et vous avez un monstre qui a une tête de crocodile, la dévorante, qui va effectivement mettre fin à ses jours. Mais ça ne se passe jamais comme cela parce qu'il connaît les formules qui permettent à son cœur de témoigner en faveur de son innocence. Vous avez aussi l'image du défunt, de sa momie sur un lit avec le dieu Anubis, le dieu des embaumeurs, qui est en train de pratiquer les rites qui est de l'embaumement. Et sous ce lit, vous avez les quatre vases canopes qui contenaient les viscères qui avaient été retirés du corps momifié. Et puis, vous avez également, alors là, c'est encore le devenir du défunt qui est évoqué, l'image de la barque du soleil qui vogue et ce soleil que va rejoindre l'âme du mort de façon à s'intégrer au cycle cosmique et à renaître chaque jour. Ça, c'est des tombes extrêmement riches, enfin, c'est des sarcophages extrêmement riches. On peut penser qu'on est sur l'élite des notables, l'élite sociale de gens de Saqqara ou pas du tout ? Écoutez, je ne dirais pas que c'est l'élite sociale. Nous n'avons pratiquement pas de titre. Il est certain que ce sont des gens d'un certain niveau social, puisqu'ils avaient assez de moyens pour se faire, pour commander ces beaux sarcophages et ces équipements. Mais nous avons très peu d'indications sur leurs activités. Nous avons quelques noms d'artisans, dont un faïencier dans la tombe F17. Et il est possible que ce soit des artisans qui travaillaient dans la nécropole. Vous avez aussi un cortège d'objets tout à fait impressionnant, amulettes, ouchepti, perles, boîtes à pied, plumes stylisées, statuettes d'Osiris, stèles et bas-reliefs. Enfin, c'est incroyable. Quoi. Tout est là, quoi. Un peu pêle-mêle, mais tout est là. Oui, tout est là. Les bas-reliefs ne sont pas contemporains des sépultures, mais ont été réutilisés. Donc, il y a des bas-reliefs qui datent du Nouvel Empire, qui sont magnifiques souvent et qui ont été réutilisés dans les tombes. Le mobilier funéraire de cette époque, il est très homogène pour Saqqara, pour cette partie de la nécropole. Il n'y a pratiquement pas de statuettes funéraires qu'on appelle les ouchepti, sauf dans un cas. Et sinon, nous avons le triptyque sarcophage, statue de Ptah-Sokar Osiris et coffret à canopes. Et puis, juste pour finir, alors là vraiment 5 secondes, une partie de ce mobilier a été pillée récemment ? Malheureusement, au moment des événements, oui, mais l'autre partie est exposée au musée Imhotep, qu'il faut absolument visiter à Saqqara. Christiane Ziegler, merci beaucoup. Donc, je rappelle le titre de votre livre, de vos deux énormes volumes, Fouilles du Louvre à Saqqara 2, les tombes hypogées de basse époque, publié chez Louvre Édition et Peters. Mardi prochain à 15h, le Salon Noir sera consacré à César, le César de Carcopino, avec Jean-Louis Bruno. Le Salon Noir a été réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Alexandre Dang, attaché d'émission Catherine Denet. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir, sur le site franceculture.fr où vous retrouvez plus de 200 archives de l'émission sur le site inra.fr. Mmh.